Dixième chapitre. Le Parnasse en deuil. Prends-moi le bon parti. Laisse là tous les livres. 100 francs au dernier 5, combien font-ils? 20 livres. C'est bien dit. Va, tu sais tout ce qu'il faut savoir. Boileau, Satire 8. Pleurez, pleurez, docteur fils du père Messe. Fuyez l'abri, l'ombre des bois sacrés. Du dieu de l'or, maintenant, dans Lutèce, seuls les autels sont révérés. Le positif, partout, c'est le mot d'ordre. Géant altier filant notre linceul. Fondant ses droits sur les droits en désordre, des arts, il creuse le cercueil. À ses côtés, enfant du réalisme, effroi, fléau du Parnasse alarmé, marche hardi le cruel scepticisme, pour lui de pied en cap armé. Portant partout la hache meurtrière, raillant la foi, les nobles passions, la gloire enfin, hélas, cette dernière de nos douces illusions. Adieu, beau jour, fils de la Renaissance, rêve doré, poétique à venir, cœur glorieux de notre vieille France, ne savez-vous plus que gémir? Vous vous taisez, un sommeil magnétique semble engourdir vos luttes harmonieux, n'est-il donc point d'oracle sibyllique dévoilant l'espoir à vos yeux? Quand tout, hélas, quand tout se chiffre en France, que deviens-tu, pauvre monde idéal? Ô pur génie, éternelle puissance, quitte les gars, ce noir rival. N'est-il donc point à nos maux de remède? Contre ce monstre, hélas, ne pouvons-nous, fiers, appelant l'avenir à notre aide, relever la France à genoux? Devant Plutus, oui, oui, tout s'agenouille, tout se résout par le seul mot de l'or. Pour l'obtenir hautement, l'on se souille, et c'est ainsi qu'on prend l'essor. Fuyez, fuyez, divinité de l'âme. Las, dans ces murs, on ne vous connaît plus. La muse en pleurs vainement vous réclame. Le positif brise nos luttes. Doux idéal à la robe brillante qui sur nos fronts s'abattèrent, adieu. Vous avez fui devant l'aube sanglante d'un cycle aux arts pernicieux. Ah, de dire c'est déjà long des taris, là s'il s'est eu le pain d'art nouveau. Muse, pleurez, la lyre d'Olympie est redescendue au tombeau. Octobre 1834.